Non, oui. Dindin, dindin. Pourtant, pas la conseil d'adoler. Et non, oui, c'est nous. À ce mot. Oui, un coupon à la conoco. Mais, d'aininti, ou bien papier ou. Aou, adi, ni ma, dindin. Voilà, ça m'a. You. I said, no. Oh, to bodo bo.